Ici Jacques Beauchamp. Aujourd'hui, l'histoire La Reine du Crime, Agatha Christie. I do find one's friends are curious about the way one works. What is your method, they want to know? Les gens veulent connaître ma méthode de travail. La vérité, c'est que je n'en ai pas. Je tape tout simplement mon histoire sur une vieille machine à écrire. C'est l'étape du développement de l'intrigue qui est longue. Après, il s'agit de trouver le temps d'écrire tout ça. 3 mois me semblent une durée raisonnable pour compléter un roman. Méthode de travail ou pas, les romans, pièces de théâtre et nouvelles d'Agatha Christie connaîtront un succès spectaculaire. 3 mois, nous dit-elle dans cet extrait qu'on vient d'entendre, pour écrire un roman. Elle va en écrire plus de 75, surtout des romans policiers. Elle écrira aussi une 20aine de pièces de théâtre, plus de 150 nouvelles. Agatha Christie reste aujourd'hui encore l'une des auteurs qui aura été le plus lue de l'histoire. Romancière, ça, on le sait, mais également amoureuse d'archéologie, et ça, c'est moins connu. Chacun d'entre vous avait à la fois un motif et l'opportunité de tuer M. Roger Ackroyd et, parce qu'il en savait trop, M. Parker. Madame Ralph Peyton aurait pu tout à fait espérer clarifier sa propre situation si l'oncle de Mademoiselle Flora n'avait pas décidé de faire pression sur elle pour qu'elle épouse Ralph Peyton. M. Raymond supportait très mal le refus constant de M. Roger Ackroyd de ne pas le laisser diriger l'usine. Et, bien sûr, Mme Ackroyd ainsi que Mademoiselle Flora espéraient tirer profit du testament de M. Ackroyd. Je n'aime pas vos insinuations. Je n'ai pas à les supporter. Je me retire. Vous ne le pouvez pas, madame, tant que vous n'avez pas entendu ce que Poirot a à dire. Veuillez vous asseoir. Hercule Poirot, personnage central dans l'œuvre d'Agatha Christie, qu'on entend ici dans un extrait d'une adaptation à l'écran du roman Le meurtre de Roger Ackroyd. Pour nous raconter le parcours d'Agatha Christie, Élisabeth Monast-Moreau, chargée de projet au Musée Pointe-à-Calière de Montréal et qui a travaillé à l'exposition sur les traces d'Agatha Christie pour le Musée Pointe-à-Calière. Élisabeth Monast-Moreau, bonsoir. Bonsoir. Merci d'être à l'émission. Et merci de me recevoir, M. Beauchamp. Parlons d'abord, on va parler de l'œuvre littéraire d'Agatha Christie. On va parler aussi, c'est moins connu, je le disais, de sa passion pour l'archéologie. Tout à fait. Mais commençons par le commencement. Parlons un petit peu d'abord de ses origines. Parlez-moi de la jeune Agatha Christie. D'où vient-elle? À quel milieu appartient-elle? Oui, alors Agatha Christie naît vers la fin de l'époque victorienne, donc la fin des années 1800. Elle provient du Devon, en fait, donc qui est une région balnéaire de l'Angleterre, dans une ville qui se nomme Torquay, qui existe encore aujourd'hui. Et elle vient d'un milieu très aisé, un milieu bourgeois. Pour vous donner un exemple, bon, son père est rentier, donc c'est un Américain de grande famille qui a beaucoup d'argent, beaucoup de sous. Et donc, son père ne travaille pas, il vit de sa fortune. Sa mère également est une femme typique de l'époque victorienne. Donc, elle est une Anglaise. Une Anglaise, son père est Américain. Mm-hmm. Elle vit dans une très belle demeure qui s'appelle Ashfield, qui est aujourd'hui détruite. Mais dont on a plusieurs traces encore aujourd'hui. Et donc, elle a une grande sœur et un grand frère. Donc, Margaret et sa grande sœur et Mounty et son grand frère. Et elle a un grand écart d'âge avec ses frères et sœurs. Mm-hmm. C'est une enfant qui est très recluse. Elle a un imaginaire très puissant. Elle est très solitaire. Elle n'a pas beaucoup d'amis. Ses amis sont principalement des amis imaginaire qu'elle appelle entre autres ses chatons. Et donc très tôt, lorsqu'on étudie la vie d'Agatha Christie, on se rend compte que cette créativité, elle était là dès le départ. Et sa mère le voit, ça. Sa sœur aussi. Oui. Sa mère va la pousser à écrire. Puis sa sœur, il y a une anecdote. Sa sœur va lui donner un défi. Ben voilà. Oui. Alors donc, Agatha Christie a pas toujours voulu être écrivaine. Faut savoir qu'à une époque, elle voulait être mathématicienne. À une époque, elle voulait être chanteuse d'opéra. Elle a d'ailleurs été découragée par un de ses professeurs de chant, de devenir chanteuse d'opéra. C'était vraiment une artiste au sens très profond du terme. Elle était très polyvalente. Ceci étant dit, à une certaine époque, sa sœur lui lance le défi d'écrire une intrigue policière parce que c'est le type de roman qu'elle aime beaucoup. Mm-hmm. Et Agatha se dit, mais mon Dieu, je serai jamais capable. Alors, elle commence tranquillement et puis elle aura à essuyer plusieurs refus au départ, au début de sa carrière. Et c'est ça. Soumettant ses textes. En soumettant ses textes. À des éditeurs qui disent non. Oui, c'est ça. C'est non. Non. Et jusqu'à la Première Guerre mondiale, pardon, où là, elle va devenir infirmière pendant la guerre. Elle va avoir une formation comme assistante apothicaire. Elle va découvrir l'univers des poisons. Elle va en devenir une passionnée. Et là, elle va se dire, ah, je pourrais utiliser les poisons comme une arme du crime dans le cadre d'une intrigue. Ouais. Et c'est là qu'elle va écrire La mystérieuse affaire de Stiles, où on va découvrir pour la première fois Poirot. Et donc, c'est là que ça va marcher. Oui. C'est là qu'elle va avoir son premier contrat d'édition. Mais le vrai succès va venir quelques années plus tard, en 1926. Premier roman, donc, en 1920. Oui. 1926, ce qu'on entendait il y a quelques minutes, Roger Ackroyd, qui est publié, ça, c'est vraiment ce qui la révèle. On écoute à ce sujet Hélène Pedneau, qui donne une entrevue à l'époque, en 1988, à l'émission Au jour le jour. Mais je pense que le roman qui a été vraiment le roman d'Agatha Christie, c'est-à-dire celui qui lui a donné sa notoriété, est arrivé en 1927. Et ça s'appelle Le meurtre de Roger Ackroyd. Et qu'est-ce qu'il y a de particulier, ce livre-là? C'est la première fois que le narrateur du livre était l'assassin. Ah, oui, c'est-à-dire oui. Le narrateur du livre qui fait l'enquête avec le détective est l'assassin. Donc, il suit tout le cours de l'enquête. Il peut même contrôler le cours de l'enquête. Mm-hmm. Et c'était la première fois, donc, que c'était lui l'assassin. Et ça a fait un tollé dans tous les clubs de détectives. C'était très ingénieux. Très ingénieux, effectivement, très astucieux. Oui. Ce qu'elle trouve pour Roger Ackroyd. Oui, tout à fait. Puis, en fait, ce qui est aussi intéressant de dire, je ne sais pas si peut-être plusieurs des auditeurs l'ignorent, mais Agatha Christie faisait partie d'un ce qu'on appelle une société, un club des détectives. Donc, c'était tous des auteurs de romans policiers qui se réunissaient dans une sorte de société secrète. Et ils avaient un code d'éthique avec plusieurs règles. Et c'est en brisant une de ces règles qu'elle s'est fait connaître, c'est-à-dire de faire en sorte que le narrateur devienne lui-même au centre de l'intrigue. Ça, c'était une chose qu'on ne faisait pas. Mm-hmm. C'était contre les règles établies. Utiliser plusieurs passages secrets, que le détective soit lui-même le meurtrier. Et à travers son écriture, à travers sa vie, elle a brisé plusieurs de ces règles-là. Et ce qui fait qu'elle sera importante. Au-delà du nombre de livres qu'elle publie, elle va influencer le genre policier. Tout à fait. Dans son style, dans sa manière de faire, parce qu'elle va avoir toujours des détectives qui sont très cérébraux. Ça, c'est très nouveau. L'aspect psychologique. Oui, et dans son style, elle a un style qui est très accessible. On a une facilité à lire Agatha Christie, ce qui fait en sorte qu'on a toute une gamme de public qui s'y intéresse. Mm-hmm. Mais pour revenir à votre Roger Ackroyd, oui, effectivement, ça va la faire connaître. Et c'est d'ailleurs ça qui va indirectement l'amener à s'intéresser à l'archéologie. Parce que une femme du nom de Catherine Woolley, qui est une femme archéologue qui sera très connue dans les années 20 et 30, avec son mari Leonard Woolley, sont responsables d'un chantier de fouilles en Irak. Et ils font de grandes découvertes. Ils découvrent à Ur le grand tombeau d'une reine, avec des trésors et tout. Et elle lit Roger Ackroyd et elle tombe en amour avec Agatha Christie. Et elle invite Agatha Christie à venir sur le chantier de fouilles, voir qu'est-ce qui se passe et pour la rencontrer, en fait. Donc, ce sera ça, son contact, son premier contact avec l'archéologie. On va y revenir à cette période-là, qui touche plus l'archéologie, mais je veux quand même un petit peu plus pousser sur l'œuvre littéraire d'Agatha Christie, parce qu'on ne peut pas faire une émission sur Agatha Christie sans en mettant de côté ses personnages. Miss Marple, bien sûr, mais évidemment Hercule Poirot. Christophe Rodriguez, à l'époque, qui décrit donc dans une chronique présentée en 1996 à notre radio, qui décrit le personnage de Poirot. Le personnage le plus célèbre d'Agatha Christie s'appelle Hercule Poirot. Tout le monde le connaît. D'abord, son personnage enquêteur n'est pas, avec qui est un détective privé, payé, il a des émoluments, n'est pas un Britannique. C'est un Belge. C'est un personnage très high fashion, toujours très bien habillé, à la dernière mode, moustache tirée, rondouillard, qui transpire beaucoup, qui n'aime pas se déplacer. En fait, c'est un Belge capricieux. C'est un personnage effroyablement détestable. Hercule Poirot, par son manichéisme, par sa façon de faire, est un personnage éminemment détestable. Alors, Élisabeth Monast-Moreau, je vous regardais réagir pendant cet extrait. Vous avez l'air plutôt d'accord oui. avec Christophe Rodriguez. Pourquoi ce personnage si détestable? Il est fondamental dans oui, l'œuvre d'Agatha Christie. On l'aime quand même. Pourquoi il est si important, en tout cas, dans l'œuvre d'Agatha Christie? C'est comme une amour-haine, ouais. je vous dirais. Alors, d'abord, Hercule Poirot, c'est un personnage qu'Agatha Christie va créer... À la base, lorsqu'elle le crée, il est déjà assez avancé en âge. Et avec le temps, elle va subir une sorte de frustration parce que elle était certaine que le public détesterait Poirot. Et là, quand il y a eu un engouement pour Poirot, on voulait que Poirot reste. Elle n'avait pas prévu qu'il elle vive pas prévu si longtemps dans son œuvre. Et elle se dit, mais ça a plus de bon sens. Elle dit, il vieillit pas à travers mes œuvres parce qu'il est déjà trop vieux. Donc, c'est problématique. Et l'autre chose, c'est qu'elle trouvait qu'elle était encarcanée un peu à cause de Poirot, parce qu'elle ne pouvait pas s'en débarrasser. Pour ceux qui connaissent Poirot ou ceux qui ne le connaissent pas, la moustache est très importante. Mm-hmm. C'est un personnage qui a beaucoup de manie. David Suchet, un des acteurs célèbres qui l'a très bien personnalisé, avait fait une liste pour bien se mettre le personnage à sa main. Et c'est un personnage qui avait plus de 94 manies. Mm. C'était vraiment quelqu'un de compulsif, je vous dirais, dans tout. Autant dans l'analyse de ses intrigues, dans la perception des gens lors de ses enquêtes, que dans sa vie personnelle, dans la façon dont il se tenait. C'est quelqu'un de très cérébral. La voix de Poirot, lorsqu'on entend des acteurs jouer Poirot, c'est toujours une voix qui est très de tête. Ouais. Les cellules grises, les petites cellules grises, comme dit lui-même Poirot, c'est vraiment très important. Alors, c'est ça qui lui permet de résoudre toutes les enquêtes. Un mot sur la fin de Poirot. C'est trop succulent. C'est une fin finale d'Agatha Christie. Oui. Elle va écrire un roman qui va dormir dans un coffre-fort, je pense bien, pendant une trentaine d'années. Oui. Roman qui sera publié après sa mort à sa demande par sa succession. Et c'est là qu'elle règle le sort d'Hercule Poirot. Oui, je crois que Agatha Christie voulait avoir le contrôle, le dernier mot sur son œuvre. C'est en fait la manière dont ça s'est passé. Vous parlez de Poirot quitte la scène, qui est le dernier Hercule Poirot. Lors de la Deuxième Guerre mondiale, il faut comprendre qu'Agatha Christie a vécu les deux guerres. Lors de la Deuxième Guerre mondiale, avec les bombardements, elle avait très peur d'y laisser sa peau. Et elle s'est dit, ben, je devrais peut-être assurer mes arrières, puis garantir l'avenir de mes personnages, décider, là, avoir le mot de la fin. Donc, elle écrit deux livres. Elle écrit Poirot quitte la scène, qui règle, si vous voulez, le sort de Poirot, parce que le Poirot meurt dans le livre. Et elle écrit également La dernière énigme, qui est le dernier Miss Marple. Et c'est également la fin de Miss Marple. Elle veut qu'aucune suite ne soit possible après sa mort. Ben, je vous dirais que quand l'auteur fait naître des personnages, ils deviennent un peu une partie d'elle. Donc, elle veut pouvoir décider de leur destin. Donc, ces romans sont mis sous clé dans des coffres-forts. Et les deux romans seront simultanément publiés. La dernière énigme sera publiée l'année avant sa mort. Et l'autre sera publié l'année de sa mort. Et elle lèguera les droits de ces deux ouvrages, un à son petit-fils et l'autre à son mari. Mmh. Donc, je crois que c'était aussi une façon de garantir la sécurité de ses proches. L'archéologie. Oui. On y revient, on l'a vraiment abordé très, très rapidement. Donc, cette admiratrice qui l'invite à visiter un site. Et puis, mais je vous laisse nous en parler, mais son deuxième mari, qui est archéologue, sera vraiment fondamental. Oui, dans cette aventure archéologique. Donc, alors, faut savoir que Agatha Christie tient son nom de Christie de son premier mariage parce que son nom de baptême était Miller. Elle s'est mariée avec Archibald Christie, donc elle a eu le nom d'Agatha Christie qu'elle a conservé parce qu'elle avait commencé à écrire et à être connue lors de son premier mariage. Lorsqu'elle met fin à son premier union, elle doit se changer les idées. C'est une période difficile de sa vie. Elle se fait inviter par des connaissances à aller sur des chantiers de cette fouille en Irak. Et imaginez-vous, c'est assez extraordinaire, là. C'est une femme dans la fin des années 20 qui prend l'Orient Express, le train. Elle va seule, elle se rend en Irak parce qu'elle a lu, entre autres, dans des journaux qu'on faisait des découvertes archéologiques extraordinaires. Et c'était quelqu'un de très curieux. Donc, elle prend le train, elle va rejoindre des gens qui l'attendent, donc Leonard Woolley et sa femme, qui sont des chefs de chantier. Et Max Malouane, à cette époque, est un apprenti archéologue de l'archéologue Leonard Woolley. Alors, des fouilles extraordinaires, des découvertes se font. C'est vraiment l'âge d'or de l'archéologie, oui. La fin des années 20, les années 30. C'est Indiana Jones, là, c'est oui. Ces années-là. Il oui. Faut vraiment... Et c'est beaucoup les Britanniques, en fait, qui partent. Tout à fait. Il y a des grandes missions britanniques. Le British Museum finance des fouilles. D'ailleurs, Max Malouane est un archéologue qui travaille pour le British Museum. Et donc, elle se rend sur les chantiers, elle fait la connaissance de l'équipe de fouilles, elle vit littéralement avec l'équipe de fouilles pendant une période de temps. Elle rencontre Max Malouane, bon, il y a une connaissance qui se fait, des affinités en commun. Et il faut savoir qu'un roman très populaire qu'elle va développer va s'appeler « Meurtre en Mésopotamie », qui est absolument basé sur ce qu'elle a vu et ce qu'elle a vécu lors de cette visite à Ur. Parce que tous les personnages de l'intrigue de « Meurtre en Mésopotamie » sont inspirés des gens qui bâtissaient l'équipe de fouilles. Et elle leur donne des couleurs, des personnalités. C'est très intéressant parce que quand on compare les gens qu'elle a connus et ses personnages, on voit vraiment qu'il y a des parallèles très, très intéressants entre les deux. Elle va le marier, donc oui. Elle hésite, hein, parce qu'il faut savoir qu'elle est de 15 ans son aînée. Oui, tout à fait. Alors, Max Malouane, c'était un archéologue qui voit en Agatha Christie une femme excessivement brillante, une femme courageuse et quelqu'un qui, une femme de bonne famille, à l'époque c'était très important, mais qui n'a pas peur d'aller sur des chantiers de fouilles, de salir les coquerelles, la poussière, les conditions de vie qui sont pas très confortables, c'est pas quelque chose qui la dérange. Elle est plus que simple observatrice, là. Ah oui, tout à fait, parce que une fois qu'elle va être mariée à Max Malouane, elle va le suivre pendant plus de 30 ans sur les chantiers de fouilles, elle va financer plusieurs de ses campagnes de fouilles, donc elle va permettre les fouilles dans un certain sens, elle va gérer les comptes des chantiers de fouilles. Elle va organiser des activités pour les ouvriers. Elle va être chef photographe de plusieurs chantiers de fouilles. Elle va prendre d'excellentes photos qui sont encore aujourd'hui utilisées par des archéologues, par le British Museum, pour mettre en relation des trouvailles. C'est quelqu'un qui va vraiment prendre part. Faut faire attention, elle n'est pas archéologue. Mm-hmm. C'est une néophyte en la matière. Mais elle reste pas à l'hôtel kilomètres plus loin. Non. Elle reste dans la maison de fouilles. Elle aide son mari à préparer les chantiers de fouilles en faisant les valises. Elle est rendue sur le chantier, elle est vraiment un soutien pour lui. Elle aide même Max Malouane, elle est de très précieux conseils, à une étape majeure qui est l'étape de la répartition des trouvailles. Ça, c'est assez important. Quand on fait une fouille archéologique et qu'il y a plusieurs missions, plusieurs institutions qui financent les fouilles, comme le British Museum, le Metropolitan Museum, d'autres musées. Une fois les fouilles trouvées, on répartit ce qui a été trouvé. Certains éléments restent dans le pays d'origine, comme en Irak, et d'autres éléments vont être rapatriés dans les musées pour l'étude, la conservation. Et elle est avec son mari dans la décision de qu'est-ce qui part en Europe et qu'est-ce qui reste. Ça, c'est important. Un meurtre. Le plus célèbre détective de tous les temps, Hercule Poirot. Dans une fascinante croisière sur le Nil, parmi les grands mystères de l'histoire, où le plus grand de tous les mystères est « Qui a tué ?» Je sens la présence du mal partout autour de moi. Mort sur le Nil, d'après le chef-d'œuvre d'Agatha Christie. Extrait de la bande-annonce du film « Mort sur le Nil », ça nous permet d'aller, on l'a un petit peu évoqué, mais d'aller encore plus à fond, Elisabeth Monast-Moreau, dans l'importance qu'aura cette passion pour l'archéologie dans l'œuvre romanesque d'Agatha Christie. Vous avez parlé de meurtre en Mésopotamie, mais vraiment, beaucoup de ces romans seront campés dans cet univers. Au Moyen-Orient, oui. Ben, comme je vous ai dit tout à l'heure, évidemment, elle a passé plus de 30 ans à faire des allers-retours entre Londres et le Moyen-Orient. Elle a beaucoup voyagé avec son mari. Les fouilles se sont principalement passées en Irak et en Syrie, sur le territoire de la Mésopotamie. Mais elle a beaucoup voyagé. Elle est allée en Égypte, entre autres. Et toutes ces incursions-là, toutes les choses qu'elle a vécues dans sa vie ont été des tremplins pour elle, pour écrire des romans. Parler de l'Orient Express qu'elle prend, évidemment, elle écrit Le Crime de l'Orient Express. Lorsqu'elle est à Bagdad, elle écrit Rendez-vous à Bagdad. Elle écrit Rendez-vous avec la mort. Lorsqu'elle est en Égypte, elle écrit une pièce de théâtre sur Akhenaton. Elle écrit La mort n'est pas une fin. Mm-hmm. Elle écrit Mort sur le Nil. Donc, c'est toutes des intrigues qui naissent en elle alors qu'elle peut avoir contact avec ces lieux-là. Et ça va la nourrir beaucoup parce que les années 30 en particulier, c'est une période où elle voyage beaucoup. Oui. Et c'est peut-être la décennie où elle sera le plus prolifique. Elle va publier 17 romans, 7 recueils de nouvelles. Oui, c'est extraordinaire. C'était quelqu'un qui était très prolifique. Et c'est encore plus extraordinaire quand on se penche vraiment sur sa méthode d'écriture parce que c'était quelqu'un de très pointilleux, qui, elle avait un mari scientifique, elle voulait que la communauté scientifique respecte ses œuvres, donc elle allait parler à des égyptologues, elle rencontrait des gens, elle s'informait, parce qu'elle voulait vraiment que son intrigue se tienne, mais que tous les faits relatés scientifiques autour de ces intrigues se tiennent aussi. Donc non, c'est quelqu'un d'assez extraordinaire. Il y aura quelques récits de voyage aussi. Oui. Pas des romans, mais des récits où elle raconte. Des nouvelles aussi. Ouais. Et c'est assez intéressant, vous parliez de... on écoutait l'extrait d'Agatha Christie tout à l'heure qui parlait de la difficulté de bâtir une intrigue. Lorsque l'on regarde les carnets secrets d'Agatha Christie, qui sont des carnets de notes qui ont été trouvés après sa mort, elle avait une boîte pleine de carnets de notes. C'est tous les carnets dans lesquels elle a écrit ses intrigues pour ses œuvres. Et on voit comment elle bâtit ses intrigues qui sont pratiquement mathématiques. Elle fait des calculs, elle recommence, ça fonctionne pas, elle est pas satisfaite. Donc, c'est beaucoup d'ouvrages. Alors, sa production littéraire est fascinante quand on pense à tout le travail que ça exige. Un dernier petit mot sur le parallèle qu'elle faisait elle-même entre ces deux mondes qu'elle connaît très bien, l'écriture romanesque et le travail d'archéologue. Oui. Alors, comme on sait, le travail d'archéologue implique beaucoup de recherche, implique de la réflexion, et c'est un travail de déduction. Donc, quand on pense à ça, puis qu'on se rapatrie ensuite vers les intrigues policières, on peut comprendre qu'il y a des liens très forts entre le détective qui doit se baser sur des faits, déduire pour en arriver à un résultat, comme fait l'archéologue pour arriver sur le chantier de fouilles, déduire du bon lieu et trouver les artefacts. Élisabeth Monast-Moreau, c'était passionnant. Merci beaucoup d'avoir participé à l'émission. Je rappelle, vous êtes chargée de projet au Musée Pointe-à-Calière. Merci. Merci, Élisabeth. Merci beaucoup de m'avoir reçue. Si vous avez envie d'écouter ou de réécouter nos émissions, abonnez-vous à notre balado-diffusion sur iTunes ou rendez-vous sur le site Internet d'Aujourd'hui l'Histoire. Vous pouvez aussi nous suivre et nous écrire sur Facebook ou encore à l'adresse suivante histoire@radio-canada.ca. Ici Jacques Beauchamp, je vous dis à la prochaine.